assure en une danse. Et quand un jour j'ai trop froid, tu m'enlaces sans me juger. Tu es toujours présent et là, je ne suis moi qu'à tes côtés. C'est comme une histoire qu'on écrirait sans le savoir. Confiance, ton amitié.